t'as eu du flair, tu t'es mise à boire. Nous on t'applaudit, c'est ton heure de gloire. Pour les Pink Lady, tu entres dans l'histoire. Car Miss Mariana, c'est toi la plus belle de la soirée. Miss Mariana, c'est toi qui ensorcelle et fait rêver. Miss Mariana, c'est toi la plus belle de la soirée. Miss Mariana, c'est toi qui ensorcelle. C'est toi la plus belle de la soirée, Miss Mariana. C'est toi qui ensorcelle et fait rêver, Miss Mariana. C'est toi la plus belle de la soirée, Miss Mariana. C'est toi qui ensorcelle et fait rêver.